Au sud, au nord et dans les cubes de bouillon Knorr, dans les cartes postales de Nestor qui passe ses vacances dans le Vercors. Quand je pose les mains sur les fesses, on décharnue de ma maîtresse. Même quand elle glousse, même quand elle laisse son vice guider ses prouesses, je ne vois qu'elle, elle ne me laisse rien. J'écris des ritournelles que je chante pour rien, mais je ne vois qu'elle, je ne vois que ses seins. Que la vie serait belle si j'y posais mes mains. À 7, à balle dans les confins de Meisenthal, au plus de la place du jeu de balle, jusqu'au trou du cul du Népal, dans mes transhumances nordiques, et mes retours mélancoliques, quand je fantasme d'Amérique, et que je reste pathétique, je ne vois qu'elle, elle ne me laisse rien, j'écris des ritournelles que je chante pour rien, mais je ne vois qu'elle, je ne vois que ses seins, que la vie serait belle si j'y posais mes mains. Chez Freud, Romer et dans la chanson de Prévert, dans les voyages de Gulliver et les poèmes de mon grand-père, dans les airs de chansons françaises, l'apocalypse et la genèse, quand je chantonne mes fadaises que j'aime, ne vous en déplaise, je ne vois qu'elle, elle ne me laisse rien. J'écris des ritournelles que je chante pour rien, mais je ne vois qu'elle, je ne vois que ses seins, que la vie serait belle si j'y posais mes mains. En ré, en la, en réalisant qu'elle est moi, s'empare de moi quand ses dix doigts offrent valser bossa nova, Schubert, Beethoven et Ravel, Brassens, El Ferré et Gibrel, ont beau sublimer mes oreilles, il n'embrase pas mes réveils. Je ne vois qu'elle, elle ne me laisse rien, j'écris des ritournelles que je chante pour rien, mais je ne vois qu'elle, je ne vois que ses seins, que la vie serait belle si j'y posais mes mains.